بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas élargi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté ta renommée? Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa'idha faraghta fansab, wa'ila rabbika farghab. À côté de la difficulté est certes la facilité. Après toute difficulté survient certes une facilité. Quand tu te libères d'une tâche, entreprends-en une autre, et à ton Seigneur aspire.